Vous savez qu'après mon exil du Valais, je reviens il y a 10 ans à Meillery, attendre la permission de mon retour. C'est là que je passais des jours si tristes et si délicieux, uniquement occupé d'elle, et c'est de là que je lui écrivis une lettre dont elle fut si touchée. J'avais toujours désiré de revoir la retraite isolée qui me servit d'asile au milieu des glaces et où mon cœur se plaisait à converser en lui-même avec ce qu'il eut de plus cher au monde. L'occasion de visiter ce lieu si chéri dans une saison plus agréable et avec celle dont l'image l'habitait, jadis avec moi, fut le motif secret de ma promenade. Je me faisais un plaisir de lui montrer d'anciens monuments d'une passion si constante et si malheureuse. Nous y parvîmes, après 1 heure de marche, par des sentiers tortueux et frais, qui, montant intensiblement entre les arbres et les rochers, n'avaient rien de plus incommode que la longueur du chemin. En approchant et reconnaissant mes anciens renseignements, je fus prêt à me trouver mal. Mais je me surmontai, je cachai mon trouble et nous arrivâmes. Ces deux solitaires formaient un réduit sauvage et désert, mais plein de ces sortes de beautés qui ne plaisent qu'aux âmes sensibles et paraissent horribles aux autres. Quand nous eûmes atteint ce réduit et que je l'eus quelque temps contemplé, « Quoi ? » dis-je à Julie en la regardant avec un œil humide. « Votre cœur ne vous dit-il rien ici ? Et ne sentez-vous point quelque émotion secrète à l'aspect d'un lieu si plein de vous ?» Alors, sans attendre sa réponse, je la conduisis vers le rocher et lui montrai son chiffre gravé dans 1000 endroits et plusieurs vers de Pétrarque et du Tasse relatifs à la situation où j'étais en les traçant. En les revoyant moi-même après si longtemps, j'éprouvai combien la présence des objets peut ranimer puissamment les sentiments violents dont on fut agité près d'eux. Je lui dis, avec un peu de véhémence, « Ô Julie, éternel charme de mon cœur, voici les lieux où soupira jadis pour toi le plus fidèle amant du monde. Voici le séjour où ta chère image faisait son bonheur et préparait celui qu'il reçut enfin de toi-même. Voilà la pierre où je m'asseyais pour contempler au loin ton heureux séjour. Sur celle-ci fut écrite la lettre qui toucha ton cœur. Ces cailloux tranchants me servaient de burin pour graver ton chiffre. Enfin, ce fut ici qu'avant mon triste départ, je vins te pleurer, mourante, et jurer de ne pas te survivre. Fille, trop constamment aimée, ô toi pour qui j'étais née, faut-il me retrouver avec toi dans les mêmes lieux et regretter le temps que j'y passais à gémir de ton absence ? J'allais continuer, mais Julie, me tirant par le bras, « Allons-nous-en, mon ami, » me dit-elle d'une voix émue. « L'air de ce lieu n'est pas bon pour moi. » Je partis avec elle en gémissant, mais sans lui répondre, et je quittai pour jamais ce triste réduit comme j'aurais quitté Julie elle-même.